sont ces promesses qui se fait embarquer. Isabelle Autissier, présidente du WWF France, nous parle. Oui, la situation est critique. Les océans sont pollués par le plastique, les espèces disparaissent. Mais il n'y a aucune fatalité. Nous sommes la dernière génération à pouvoir agir. Mais nous sommes aussi la première à vouloir redresser la barre pour léguer à nos enfants un monde meilleur. C'est un message plein d'espoir, non ? Pour inscrire le WWF sur votre testament, renseignez-vous auprès de Camille Perrier au 01 73 60 40 40 ou sur testament.wwf.fr. Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940. Macron, fais bien gaffe à toi parce que là, t'as touché trop loin. T'aurais dû simplement nous laisser défiler et simplement nous laisser revendiquer nos droits. Non, tu nous as directement lattés. Donc franchement, viens pas te plaindre, ce qui va arriver. On rentre avec nos bleus, on rentre avec nos marques et on rentre avec notre ressenti. Et ça, ils pourront rien contre ça. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Emmanuel Macron, depuis son accession à la présidence de la République, a reçu son lot d'injures, signées ou anonymes, selon un rythme qui s'est accéléré durant la crise des Gilets jaunes. Internet en facilite l'expression, mais la litanie n'en est pas moins fidèle à des précédents quasiment infinis. Voilà bien un phénomène que l'on aurait grand tort de négliger en rejetant la chronique du côté du fétide ou du dérisoire. Car l'histoire des offenses aux chefs de l'État et de leur éventuelle répression, celle-ci grandement variable d'une époque à l'autre, informe sur les équilibres et les déséquilibres des systèmes politiques qui organisent la vie publique. En monarchie, le prince est considéré traditionnellement comme inviolable pour ce qu'il est et pour ce qu'il incarne. En République, il n'est plus question de lèse-majesté. La liberté de la presse et la liberté d'expression sont à son fondement même. Mais celle-ci n'exclut pas pour autant un respect minimum envers l'homme ou la femme qui a été choisi sans contrainte par le peuple en ses comices et qui doit le représenter dans sa dignité. Réprimer l'offense au chef de l'État, c'est aussi après tout défendre ce peuple lui-même à travers l'honneur de son représentant suprême. Mais réprimer quoi et réprimer comment? Il s'agit là d'une part de la difficile définition de l'insupportable et d'autre part des voies et des moyens d'une éventuelle punition, c'est-à-dire de la responsabilité respective en ce domaine du pouvoir exécutif et de l'autorité judiciaire. Nous pouvons trouver là un précieux sismographe révélateur des affrontements politiques, de leur nature et de leur intensité. C'est ce que démontre brillamment, dans un livre qu'il publie ces jours-ci, Olivier Beau, mon invité, professeur de droit public à l'université Panthéon-Assas Paris II, un juriste qui se fait historien. Et vous ne douterez pas, j'imagine, que dans ma bouche, c'est un compliment. Je trouve que c'est une très grande journée. C'est l'aboutissement d'une longue procédure, parce que ça fait quand même 4 ans et demi que j'attends ça, quand même, que justice soit faite. Maintenant, le combat n'est pas terminé pour autant encore. La France est condamnée par rapport à une atteinte à ma liberté d'expression, mais elle se prononce pas vraiment en tant que telle sur la question de l'offense. Donc, il faudra quand même s'en saisir politiquement pour essayer d'obtenir ce que Jean-Luc Mélenchon, en tant que sénateur à l'époque, en 2008, n'a pas obtenu. C'est l'abrogation du délit d'offense. Ça fait jurisprudence, enfin j'espère bien. C'est pour ça que je pense que le combat, il faut qu'il continue. Parce que quand je vois l'actuel président donc et son entourage, quand il est à Dijon, et comment quelqu'un qui demande simplement à François Hollande où elles sont ses promesses, qui se fait embarquer manu militari, il faudrait pas qu'un jour il soit tenté d'user de ce délit d'offense contre un citoyen. Il faut que ça change par rapport à ça. Olivier Beau, bonjour. Bonjour. C'était là une interview d'Hervé Éon à propos de l'affaire dite « Casse-toi, pauvre con », C'était un extrait du journal de 13h sur France Inter, le 14 mars 2013. Probablement faut-il une longue note en bas de page pour nous expliquer le contexte de cette affaire tout à fait significative quant au sujet d'aujourd'hui. En effet, cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme parachève une longue procédure. Monsieur Héon avait, qui était donc un militant du Front de Gauche, avait brandi une affichette « Casse-toi pauvre con » quand le président Sarkozy était en voyage à Laval. Et pour la première fois depuis 1973, il a été poursuivi par le parquet pour offense au chef de l'État. Mais peut-être faut-il rappeler pourquoi cette formule était avancée par le citoyen Héon. En effet, il a renversé, le citoyen Héon, a renvoyé à Nicolas Sarkozy, qui était président de la République, ce que Nicolas Sarkozy avait dit à un visiteur au Salon de l'Agriculture quelques jours avant. Ce visiteur avait refusé de serrer la main de Monsieur Sarkozy en disant « Je ne te serre pas la main, tu me salis les mains ». Et Monsieur Sarkozy, avec son impétuosité qu'on lui connaît, lui avait répondu ce fameux « Casse-toi, pauvre con ». Donc le militant du Front de Gauche renvoie cette fois au président. Autrement dit, il y a une asymétrie. Le président a le droit d'insulter un citoyen, mais un citoyen qui insulte le président peut se voir, ou pouvait se voir, donc poursuivi pour offense. L'ironie de l'histoire, c'est que à la suite de ce procès, la France est condamnée pour avoir violé l'article 10 sur la liberté d'expression de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Et la France n'était pas obligée d'ailleurs de supprimer le délit, mais quelques mois après, par une loi du 5 août 2013, le délit d'offense a été supprimé, cette suppression ayant été faite dans l'indifférence absolue. C'était en plein été et c'est le même François Hollande qui a décidé cela, lui qui est indirectement interpellé par M. Héon dans l'extrait que nous avons entendu. Effectivement, c'est un paradoxe. Le président de la République, c'est le Parlement qui a évidemment décidé, mais c'est évidemment avec l'accord de l'Élysée, je suppose. Donc, nous voilà en face d'une longue histoire et à présent, il faut que nous revenions loin en arrière. En réalité, on peut même dire que cette question de l'offense ou de l'outrage, nous verrons la différence entre les deux mots, en direction du chef de l'État, se rattache à la longue histoire de la liberté de la presse, qui est un combat qui a parcouru tout le 19e siècle. Et pour illustrer cela, je vais vous faire entendre un discours sur la liberté de la presse de Pierre-Paul Royer-Collard, un grand libéral, personnage considérable du libéralisme à l'époque, prononcé en 1822, c'est le temps de la Restauration, où un homme comme Chateaubriand aussi se bat pour la liberté de la presse. Royer-Collard s'exprime de la sorte. C'est une lecture de Georges Claes sur France Culture le 15 février 2014. Vous allez voir, ça pose assez bien le paysage d'ensemble. Que la liberté de la presse ait ce double caractère d'une institution politique et d'une nécessité sociale, c'est ce qui ne peut être révoqué en doute. Du droit constitutionnel de chaque Français de publier, de faire imprimer ses opinions, résulte la publicité universelle. La publicité est une sorte de résistance aux pouvoirs établis, parce qu'elle dénonce leurs écarts et leurs erreurs, et qu'elle est capable de faire triompher contre eux la vérité et la justice. Elle est la plus énergique des résistances, parce qu'elle ne cesse jamais. Elle est la plus noble, parce que toute sa force est dans la conscience morale des hommes. Envisagée sous ce rapport, la publicité est une institution, une liberté publique, car les libertés publiques ne sont pas autre chose que des résistances. Qu'on ne se hâte pas d'accuser l'énergie de ce mot. Les résistances ne sont pas moins nécessaires à la stabilité des trônes qu'à la liberté des nations. Malheur aux gouvernements qui réussissent à les étouffer. Alors, Royer-Collard, il pose bien la question. Et notamment celle de la publicité. Il faut dire que c'est le temps où, de l'autre côté de la Manche, en Grande-Bretagne, la presse se bat pour avoir le droit de reproduire les débats de la Chambre des communes. Oui, c'est un texte magnifique d'un libéral qui me fait penser évidemment au débat de 1919, puisque le premier grand débat sur ce conflit entre liberté d'expression et offense, à l'époque c'était l'offense au roi, eh bien ce premier grand débat a lieu en 1919, dans la grande loi sur la liberté de la presse, qui précédait celle de 1881. Évidemment, ce que dit Royer-Collard est très proche de ce que pense le plus grand penseur de cette question, c'est Benjamin Constant. C'est-à-dire que la liberté de la presse est une liberté politique. Elle est fondamentale, puisque c'est le véritable contre-pouvoir dans un régime représentatif. Il se situe justement dans la presse. Chateaubriand dit la même chose. Et d'ailleurs, la monarchie de Charles X tombe sur la question de la liberté de la presse au moment des journées de juillet 30. Oui, il y a une préhistoire très importante et cette histoire va se rejouer lorsque la République l'emporte, après l'épisode du 16 mai de Mac Mahon, lorsqu'il y a le grand débat de la loi 1881. Évidemment, tous les députés républicains qui avaient combattu Napoléon III et qui avaient combattu Mac Mahon disent « il est paradoxal qu'on reprenne l'offense alors qu'on maintenant on est en République ». Quand je dis tous les républicains, je dis tous les républicains radicaux, Clémenceau en tête. Et avec Gambetta, bien sûr. Bien sûr. La crise du 16 mai, on peut rappeler en quoi elle concerne directement notre sujet, puisque Mac Mahon est président de la République, un président de la République qui était royaliste, qui était assez paradoxal, et est attaqué violemment par Gambetta après qu'il a renvoyé le gouvernement de Jules Simon. C'est très important parce que à la suite de ce qu'on a appelé le coup d'État du 16 mai, Mac Mahon et donc le pouvoir exécutif vont poursuivre tous les opposants, tous les républicains. Et on est en plein combat électoral, notamment Gambetta, qui est l'opposant de Mac Mahon, va être poursuivi pour un discours fameux qu'il a tenu à Lille, qui se terminait par ces mots restés fameux, il faudra qu'il se soumette ou qu'il se démette. C'était une réunion privée, qu'elle ne pouvait pas être poursuivie, elle a été publiée, et à la suite de la publication, eh bien, le pouvoir a poursuivi Gambetta et Gambetta sera condamné par le tribunal correctionnel pour offense, car on estime, le tribunal, parfaite mauvaise foi, estime que c'est une menace envers le président et que donc c'est une offense. Le gouvernement de Mac Mahon, le gouvernement de Breuil et les hommes du 16 mai se sont largement déconsidérés avec ce procès. Même Flaubert, qui était pas un homme de gauche, s'écrit à ce moment-là « Est-ce grotesque? Quel fou! Ce guerrier illustre par la pile qu'il a reçue, comme d'autres le sont par leur victoire, est-ce assez drôle? L'ordre moral atteint au délire de la stupidité. Exemple, le procès Gambetta. » Fin de citation. Oui, alors on retient le procès Gambetta, mais ce qui est frappant, et ce qui m'a étonné, car je l'ignorais, c'est le nombre de procès pour offense qui a eu lieu en l'espace de 5 mois, avec des condamnations très lourdes, une justice qui s'engage vraiment en faveur de Mac Mahon. À l'époque, c'était le tribunal correctionnel, ce n'était plus la cour d'assises comme celle est normalement pour un procès politique. Et les magistrats vont très lourdement sanctionner, notamment par des peines de prison, tous les républicains qui, dans leurs journaux, contestent le coup du 16 mai. Ça annonce déjà quasiment le régime de Vichy. Vous avez raison d'insister sur la question de l'opposition entre tribunal correctionnel et cour d'assises, car toute cette histoire verra constamment des passages de l'un à l'autre, et ça a évidemment une grande portée, puisqu'en général la cour d'assises est plus indulgente que le tribunal correctionnel. Est-ce que l'on peut dire cela? C'est un point décisif. Pour qu'on admette la légitimité du délit d'offense, il faut comprendre que c'est un délit politique, parce que ça concerne une personnalité politique. Et dans la tradition libérale, les procès politiques sont jugés par le peuple, par les jurés. Donc c'est pour cela que Benjamin Constant, tous les libéraux qui ont défendu l'idée de défendre l'honneur du chef de l'État, ont toujours dit il faut que ce soit le peuple qui juge. Et c'est exactement le même débat qui aura lieu en 1881, lorsqu'il y aura cette loi sur l'offense, l'article 26. Ceux qui vont s'opposer, les républicains qui vont s'opposer à Clémenceau, ceux qui vont défendre l'honneur, vont toujours dire mais il y a une garantie politique décisive, c'est que ce ne sont pas des magistrats professionnels qui vont juger les citoyens, ce sont les citoyens qui vont juger d'autres citoyens, la cour d'assises. Et ce sera le système retenu en 1881, système qui va durer jusqu'en 1940, et c'est Pétain qui va, le maréchal Pétain, qui va rompre ce système en instaurant la compétence des tribunaux correctionnels. Il faut que nous arrêtions, Olivier Beau, un moment sur la grande loi de 1881, car de fait, on trouve la question qui nous occupe aujourd'hui, celle de l'offense au chef de l'État, comme très importante, très débattue, dans des échanges qui sont d'ailleurs, quand on les relit aujourd'hui, riches en nostalgie, qualité remarquable des propos, de la rhétorique. Le niveau des affrontements fait rêver beaucoup d'avocats, mais Clémenceau n'est pas un avocat, c'est un médecin. Et néanmoins, il joue un rôle essentiel dans cette affaire. à Clémenceau est brillantissime dans ce débat. Et il est Clémenceau revient des États-Unis où il a appris ce que signifiait la liberté de la presse, et notamment le fameux principe du free speech, la liberté de parole. Donc il vient complètement enthousiaste et enthousiasmé par ses idées extrêmement libérales, et il va défendre à la tribune l'idée qu'on ne peut pas interdire la parole, que si on interdit la parole, eh bien, on se renie en tant que démocrate. Et donc, il va plaider en faveur de la liberté absolue, avec un talent indéniable, et il sera contesté et combattu par d'autres républicains dits opportunistes qui vont lui objecter une chose que tous les juristes connaissent, c'est là que Clémenceau n'est pas juriste, c'est qu'il n'y a aucune liberté absolue. Il n'y a aucun droit absolu, puisque évidemment, une liberté et un droit s'opposent à d'autres droits, et que tout l'art de la justice, c'est de concilier les droits. Il faut dire que ce débat s'organise sur le fond de la grande question du blasphème, puisque c'est la loi de 1881, à l'indignation naturellement des prélats, qui décide qu'on a le droit de critiquer la religion. C'est le moment où Clémenceau dit « Dieu est assez grand pour se défendre tout seul ». Bien sûr, il y a ce contexte d'une liberté générale. Alors, j'ai oublié un point très important parce que on dit toujours que le délit d'offense est un délit d'opinion. C'est totalement faux. La loi de 1881, ce qu'elle a voulu justement faire, et ce qu'elle a fait, elle a supprimé tous les délits d'opinion qui avaient été instaurés au fur et à mesure de la Restauration et du Second Empire. Donc, le grand apport libéral de la loi de 1881, c'est qu'il n'y a pas de délit d'opinion. L'offense n'est pas un vrai délit d'opinion, puisqu'il y a des garanties qui existent, et parmi ces garanties, il y a évidemment la possibilité d'être jugé par la cour d'assises. L'éloquence de Clémenceau, dans un premier temps, obtient que on refuse toute idée d'offense au président de la République. Il disait, c'est la séance du 21 juillet 1881, en créant un délit vague, non défini, vous livrez les citoyens à l'arbitraire du parquet et du juge. Est-ce là ce que vous oserez appeler une loi de liberté, une loi républicaine? Il gagne dans un premier temps, et puis en deuxième lecture, finalement, on rétablit, à la demande d'ailleurs d'un certain nombre de députés de gauche également, et puis de sénateurs, ont rétabli l'idée d'offense au président de la République. L'idée que, puisqu'on fonde un nouveau régime, eh bien, il faut transposer encore quelque chose du respect qui entourait les régimes antérieurs. C'est un point très important, ça renvoie à l'idée que la République doit se défendre. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure au nom du peuple, dans votre introduction. Il faut que la République puisse se défendre. Donc c'est derrière l'idée de l'offense au président, il y a l'idée républicaine d'une République combative. C'est ce que objectent donc les opposants à Clémenceau. Vous ne pouvez pas laisser la République sans défense. Là où Clémenceau a évidemment raison, et c'est tout le problème du délit d'offense, c'est un peu le problème de ce livre, c'est que ce délit est indéterminé. On ne sait pas ce que c'est. Et à l'époque, lors de ces débats, le rapporteur a dit le délit d'offense, il est en réalité composé de deux délits, il recouvre deux délits, c'est la diffamation et l'injure. Donc, il est déterminé. Et toute la question qui va se poser de manière récurrente, c'est est-ce que c'est uniquement la diffamation et l'injure, ou est-ce qu'on peut inclure dans le délit d'offense autre chose, c'est-à-dire l'irrévérence ou la moquerie? Et on va pouvoir distinguer les régimes politiques en fonction de la question de savoir s'ils admettent ou non cette extension de la notion d'offense. Mais au départ, en 1881, l'idée était de limiter matériellement l'offense, le contenu de l'offense, à l'injure et à la diffamation. On voit bien qu'à n'importe quel moment, on risque de glisser du refus de l'injure ou de la diffamation d'un côté à la répression des oppositions politiques. Et puis, il y a effectivement la question de l'irrévérence, de l'irrespect. Et là, on entre dans le monde des chansonniers qui prospèrent à travers la Troisième République. Je vais vous faire entendre, cela concerne un président assez faible, Deschanel, qui était tombé d'un train, comme vous savez, et qui était arrivé ensuite auprès d'un garde-barrière qui a mis un temps pour le reconnaître, jusqu'à ce qu'il s'aperçoive qu'il avait les pieds très propres et que par conséquent, il n'était peut-être pas un hâbleur ou un cheminot, disant qu'il était le chef de l'État. Les chansonniers en ont fait des gorges chaudes. Et voilà un exemple avec cette chanson réinterprétée par Robert Rocard en 1962. Ce sont des paroles de Lucien Boyer et la chanson s'appelle Le pyjama présidentiel. Monsieur Paul Deschanel, désormais est immortel. Il vient de faire un tour, plein d'adresse et plein d'humour. Allant à Montbrison, par la portière du wagon, il s'est jeté sans filet et s'est retrouvé complet. Il n'a pas abîmé son pyjama. C'était pas tant, mais c'est comme ça. Il n'a pas abîmé son pyjama. Il est verni, le chef de l'État. Le garde-barrière du patelin, en le voyant si gandin, lui posa cette question: quelle est votre profession? Et Popol répliqua: je suis le chef de l'État. L'autre pensa: c'est Charlot qui prépare un numéro. Il n'a pas abîmé son pyjama, c'était pas ton, mais c'est comme ça. Il n'a pas abîmé son pyjama, il est verni le chef de l'État. La femme du garde-barrière était très hospitalière, elle lui donna son lit, mais d'abord elle en sortit. On le mit dans le dodo, on lui fit boire du lolo, et tout le monde murmurait pendant qu'il buvait du lait. Il n'a pas abîmé son pyjama, c'était pas tant, mais c'est comme ça. Il n'a pas abîmé son pyjama, il est verni le chef de l'État. Et voilà que bientôt arrivèrent en auto, abrutis, stupéfaits, le ministre et le sous-préfet. Oh, monsieur le président, recevez nos compliments, que n'avons-nous été là pour vous servir de matelas. Il n'a pas abîmé son pyjama, c'était pas tant, mais c'est comme ça. Il n'a pas abîmé son pyjama, il est verni le chef de l'État. Ce glorieux pyjama sera son costume de gala, il portera comme un chef ses deux initiales RF. RF ne vous déplaise, c'est plus République française, c'est bien plus rigolo, ça veut dire rendu franco. Il n'a pas abîmé son pyjama, c'était pas tant, mais c'est comme ça. Il n'a pas abîmé son pyjama, il est verni le chef de l'État. Il faut rappeler que Paul Deschanel avait été élu contre Clémenceau en 1919, avant de défrayer la chronique de la façon que nous voyons. Clémenceau d'ailleurs a eu ce mot cruel en disant « Hé, il craignait en me choisissant de porter à l'Élysée un gâteux, ou quelqu'un qu'il deviendrait, et bien ils l'ont eu leur gâteux ». Vous connaissez cette chanson, Olivier Beau ? Non, je la connaissais pas et elle m'a beaucoup fait rire. C'est très spirituel, montre l'esprit des chansonniers. On se moquait du président et c'est effectivement un des traits marquants de la troisième où le président a un rôle effacé et on n'élit pas à la présidence les personnalités les plus brillantes. Vous avez cité Clémenceau. L'autre mot fameux de Clémenceau, c'est « je vote pour le plus bête ». Ça, c'est en 1913, quand c'était pas très obligeant pour Monsieur Pams, pour lequel il votait. Vous avez, avec esprit, Olivier Beau, intitulé une partie de votre beau livre, Quatre procès et un enterrement. J'ai pas besoin de dire à quel film vous rapportez. 1881-1940. Dans les premiers temps, on voit fonctionner la justice et du temps de Grévy, du temps de Casimir Perier, président. De ce temps-là, il y a des instances, il y a des procès qui sont intentés. D'abord, Jules Grévy, à la fin de son mandat, avant qu'il soit obligé de démissionner parce que son gendre Wilson faisait trafic de décorations, ce qui n'était pas très bien vu. Oui, Grévy avait déjà en fait attaqué pour offense avant 1881. Je n'ai pas évoqué dans le livre, mais il y a eu des procès contre les monarchistes, les journaux monarchistes, et il fait faire un procès. Il faut bien savoir que le président n'a pas le pouvoir de déclencher un procès, c'est le parquet. Mais le parquet le fait toujours avec l'aval du garde des Sceaux et donc avec l'aval du président de la République. Le parquet est serre à l'époque. Le parquet, ministère public, il est évidemment tenu par une relation hiérarchique avec le garde des Sceaux, donc il est évident que le parquet ne va jamais poursuivre quelqu'un pour offense s'il n'a pas obtenu l'accord du ministre, évidemment, de la Justice, et donc l'aval écrit ou oral du chef de l'État. Donc Grévy attaque un journal monarchiste, de même qu'ensuite Casimir Perier va être celui qui va le plus faire attaquer plus exactement les journalistes, puisqu'il s'agit de journalistes qui l'attaquent de façon virulente, des journalistes soit socialistes, soit anarchistes. Mais quel genre d'injures ? C'est surtout des injures à teneur scatologique qui caractérisent la littérature anarchiste et socialiste de l'époque. Donc c'est extrêmement violent. La cour d'assises... Casimir, le constipé, etc. Oui, c'est ça. La cour d'assises va condamner ces offenseurs, ces journalistes offenseurs. Et ce qui est très important, c'est pour ça que je te parle d'un enterrement, c'est que le procès du Chambard, de Géraud Richard, ce journaliste socialiste... C'est le nom du journal, le Chambard, oui. Le Chambard, c'est le nom du journal. Et ce journaliste est condamné. Et ensuite, il est élu. Jaurès l'incite à se déclarer candidat à Paris. Et il est élu alors qu'il est en prison. Et Casimir Perrier se sentira évidemment totalement désavoué par cette élection. Et les présidents qui vont suivre ont compris que les procès peuvent se retourner contre eux. C'est un précédent du candidat actuel en Tunisie qui est candidat tout en étant en prison. Peut-être ne le sait-il pas. Géraud Richard et lui, oui, même combat, même prison. Avec une différence, c'est que Géraud Richard était un ancien proxénète. Alors passons. Je peux citer aussi Jaurès, qui à l'époque on pouvait se faire l'avocat sans être du barreau dans un procès, qui vient défendre Géraud Richard et qui dit « Je vous l'avoue, j'aimais mieux pour notre pays les maisons de débauche où agonisait la vieille monarchie de l'ancien régime que la maison louche de banque et d'usure où agonise l'honneur de la République bourgeoise. » C'est effectivement violent. C'est violent, mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il y a un vrai conflit politique, c'est-à-dire les socialistes attaquent Casimir Perrier parce que c'est le représentant de la bourgeoisie et de la bourgeoisie industrielle. C'est le plus gros actionnaire de la compagnie des mines d'Anzin. Donc il est attaqué sur un mode politique. Il y a à la fois une critique politique de la part des socialistes, en disant, voilà, vous représentez, entre guillemets, le grand capital. Mais ce qui est caractéristique de cette époque, c'est la violence du propos. C'est pour ça que ça devient une offense, parce qu'on l'attaque pour des raisons, disons, politiques, c'est un représentant du capitalisme, mais on l'attaque de façon extrêmement virulente. Il y a les deux. Et il ne faut pas oublier le premier aspect, qui est l'aspect politique. On ne peut pas se contenter de dire Casimir le constipé, parce qu'avant cette formule-là, il y a énormément de critiques sur le fait que Casimir Perrier ne représente pas le peuple. Mais ça, c'est un fil... J'allais dire un fil d'or, un fil rouge qui traverse notre conversation ce matin, Olivier Beau, c'est-à-dire l'ambivalence, attaque contre l'individu ou bien opposition politique. C'est le gros problème. Ça continue après, même si en fait il n'y a plus de poursuite après Casimir Perrier, dont le mandat est très bref, il démissionne, il n'aimait pas ce métier. Par exemple, quand Léon Daudet de l'Action française, plume féroce, attaque Armand Fallières, qui a été président entre 1906 et 1913, je le rappelle, avant Poincaré, dans des termes vraiment violents, pas de procès. Il écrit « Sa place est au marché, c'est certain. Il est fait pour être tâté, sous-pesé, puis attaché à une longe, conduit à l'abattoir, débité, vendu, et bouilli et mangé. » Oui, c'est impressionnant. Et ce que j'ai, il me semble, réussi à démontrer, c'est que le parquet ne poursuit plus. Mais il va y avoir une voie latérale qui va être notamment au moment de l'affaire Dreyfus où Loubet est extrêmement attaqué de façon extrêmement violente. Oui, on lui tape sur son chapeau, sur sa tête courses. On va utiliser un autre délit qui est le délit d'outrage à magistrat. C'est-à-dire qu'on va inventer un autre délit, puisque le délit d'offense n'est plus utilisé, c'est un délit de presse, c'est prévu par la loi 1881. On va utiliser le code pénal, le droit pénal commun, pour condamner certaines personnes qui ont attaqué le président, notamment une femme, Madame Leblon, qui avait dit « Abat Loubet ». Au passage de Loubet, il faut que le président soit présent. Et à ce moment-là, on va poursuivre le président, mais sur un autre fondement juridique, une autre infraction de droit commun, qui est l'outrage à magistrat. Il y avait aussi le baron Christiani qui lui avait donné un coup de canne aux courses. Quelle est la différence, en fait, entre outrage et offense, puisqu'on hésite entre les deux termes dès 1881 ? Le mot a la même signification, mais on a gardé le mot offense pour montrer qu'il s'agit uniquement du chef de l'État. C'est pour ça qu'on garde le mot d'offense. Mais l'outrage et l'offense, c'est équivalent en droit. Mais simplement, pour spécifier le fait qu'il s'agit d'un outrage qui est fait au président de la République, on emploie le terme d'offense pour bien montrer qu'il s'agit d'une seule personne qui est le chef de l'État. Donc on avance dans le temps, jusqu'en 1940. De fait, il n'y a plus de poursuites. Et naturellement, la verve des chansonniers peut se développer sans limite et sans vergogne. Je vous aurais donné plusieurs chansons pendant cette émission, mais la chanson a toujours été, depuis le 19e siècle, un refuge pour la critique souvent violente. Écoutez donc cette mise en boîte du président de la République par l'excellent chansonnier Vincent Hispa. C'est une chanson qui remonte en fait au début du siècle et qu'il réinterprète en 1933. Mais auparavant, pour donner du sel à cette archive, je vous ferai entendre un extrait du discours du président Lebrun. On est en juillet 39, à la fête nationale du vin à Montpellier. Quitte à fâcher un peu les gens de Montpellier, il évoque la qualité du vin de Bordeaux. Vous allez voir en quels termes. Et puis après, je vous donnerai à entendre Vincent Hispa. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeanneney. Je revois notamment un dîner dans le Bordelais. Voici tout juste 5 ans, par une magnifique et douce soirée d'été, à Saint-Julien de Béchrel. Tous les tilleuls embaumés de la petite place communale, à l'ombre du clocher rustique, nous avions la bonne fortune voir déguster la noble théorie des grands crus de cette région, au cœur même de la vaste plaine, où à perte de vue s'étend l'opulence du vignoble. C'était le président, et maintenant, voici le chansonnier. Je suis heureux et je vous remercie du grand espoir que vous fondez sur nous. Je suis heureux et puisqu'on m'y convie, je dirai plus, je dirai comme vous. La République sera toujours prospère tant qu'elle vivra dans la prospérité. C'est dans cet esprit que je lève mon verre et que je bois à sa félicité. Je suis heureux lorsque je considère que le progrès a marché jusqu'ici. Vos hôpitaux sont pleins, tout est prospère, et le négoce ne va pas mal, merci. Les banquiers prennent jusqu'au-delà des frontières vos intérêts et votre capital. C'est dans cet esprit que je lève mon verre et que je bois au progrès général. Je suis heureux de boire, on l'imagine, à nos marins, ces braves matelots. Sans les marins, il n'y aurait pas de marine. Sans les marins, pas d'eau, pas de vaisseau. Grâce aux marins, c'est extraordinaire. Nos cuirassés reviennent souvent sur l'eau. C'est dans cet esprit que je lève mon verre et que je bois à ces dompteurs des flots. Je suis heureux de nos flottes navales, mais remettons la question sur le terrain. Votre campagne est agreste et rurale, et votre ville est urbaine ô combien. Vos monuments, c'est pas de la petite pierre, sont historiques ou le seront demain. C'est dans cet esprit que je lève mon verre, que je bois encore le verre en main. Je suis heureux, car mon âme est joyeuse de cette joie qui fait notre bonheur. Et ta sœur, dites-vous, est-elle heureuse? Elle est heureuse, ma sœur, elle est ailleurs. Elle est ma sœur parce que je suis son frère. Je suis son frère parce qu'elle est ma sœur. C'est dans cet esprit que je lève mon verre et que je bois à tous les liens du cœur. Je suis heureux, comme tout vous l'indique. Je crois d'ailleurs vous l'avoir déjà dit. Quand je voyage, se met une joie unique de trouver quelqu'un pour causer du pays. Malheureusement, les jours sont éphémères. Il va falloir que je puisse mon camp d'ici. C'est dans cet esprit que je lève mon verre et que je bois en ce jour d'aujourd'hui. Olivier Beau, quelle leçon tirez-vous de cette archive, quel commentaire pouvez-vous faire sur notre sujet, c'est-à-dire l'offense au président de la République d'un siècle à l'autre? C'est une parodie extrêmement drôle, donc c'est l'ironie qui s'exerce contre un président qui n'a pas un rôle très important sur la troisième. Donc cette parodie montre bien qu'il s'agit d'une présidence un peu effacée. Le président de la troisième n'a pas du tout les mêmes pouvoirs que celui de la cinquième. Il est surtout un personnage qui représente l'État et la République et qui n'a pas de pouvoir de décision. Et qui parfois peut jouer un rôle important, par exemple en juin 40. Oui, c'est ce qu'a reproché De Gaulle à Lebrun, de ne pas avoir pris la bonne décision à ce moment-là, en laissant nommer Pétain Premier ministre. Alors on ne s'étonne pas que dès lors que le régime de Vichy s'installe sous la botte de l'ennemi, en fait, l'attitude à l'égard de cette question offense au chef de l'État change complètement. de diverses façons. En particulier, on passe de la cour d'assises au tribunal correctionnel, mais l'ensemble montre bien que c'est d'abord un combat politique que le régime quasi dictatorial de Vichy impose au pays. Oui, c'est un cas intéressant parce que le régime de Pétain instaure un culte du chef. Le maréchal est vécu ou se perçoit ou veut être perçu comme le sauveur de l'État. Et l'offense va être exactement la négation de ce culte du chef, puisque les dissidents, les opposants, vont au contraire renvoyer une image très négative du chef de l'État. Et le régime de Vichy va changer la législation, va durcir, non seulement avec la compétence des juges correctionnels, mais également en prévoyant jusqu'à 2 ans de prison pour le délit d'offense. Et donc la mécanique répressive va se mettre en œuvre, on le voit bien, à travers seulement une circulaire du ministre de la Justice qui enjoint les procureurs de poursuivre systématiquement les offenses faites au chef de l'État. Qui redeviennent un délit d'opinion, de fait. Exactement, un délit d'opinion, puisque ce qui est condamné, c'est tout simplement le désaccord avec la politique menée par le maréchal Pétain, et surtout à partir d'octobre 40, la politique collaborationniste. Y compris d'ailleurs l'offense par geste. Alors ça c'est très important, puisque justement la loi de 1881 avait supprimé l'offense par geste. Et en 1940, j'ai pu trouver dans les archives justement le document, l'affaire qui a conduit à ce qu'on réintroduise l'offense par geste, parce que un individu avait lacéré le portrait du maréchal Pétain, et le juriste, le parquet, se dit on peut pas poursuivre, il n'y a pas d'offense par geste. Et donc, quelques mois après, la loi est modifiée, et on réinvente le procès d'offense par geste. Donc toutes les lacérations de portraits, et ça arrive souvent dans les cafés, vont être poursuivis systématiquement par le parquet et vont conduire à des condamnations, à des peines de prison. Oui, j'hésite à faire des citations, mais on ne peut pas s'en dispenser. Je vois que, à vous lire, Olivier Beau, que, par exemple, en mai 41, un cultivateur de 59 ans est condamné à 4 mois de prison ferme, 4 mois de prison ferme pour avoir dit dans un café, dans la situation où nous sommes à l'heure actuelle, il n'y a qu'à verser Pétain aux chiottes. Et puis il y a une vieille dame aussi de 80 ans que vous avez repérée et qui, en janvier 42, dans la cour de la mairie de Bron, à côté de Lyon, dit ceci, s'exclame soudain en parlant du maréchal, « Il nous fait crever de faim et on l'acclame. Les personnes qui crient « Vive Pétain » feraient mieux de crier « Vive du pain ». C'est un vieux cul. Il faut le changer. » Fin de citation. Oui, il y en a plusieurs. Elles sont toutes du même acabit. Elles ont l'intérêt de rappeler ce que c'était la vie quotidienne sous Vichy, et notamment les queues dans les magasins. Et c'est surtout dans les magasins que les propos hostiles à Pétain vont fuser. Et de ce point de vue-là, il y a une sorte de particularité, c'est que une sorte d'égalité entre les hommes et les femmes, parce que les femmes seront autant poursuivies que les hommes, puisque ce sont elles qui font la queue en général dans les magasins et qui critiquent le maréchal Pétain. Elles seront poursuivies systématiquement. Et il y a des débats pour savoir ce qui est un lieu public et ce qui ne l'est pas. C'est un grand débat, puisque j'ai oublié de dire tout à l'heure, à propos de la publicité, que parmi les conditions de l'offense, il faut que l'offense soit publique. Autrement dit, c'est soit la parole publique dans la rue, soit dans la presse, et une offense privée, il ne peut pas y avoir d'offense privée. Si vous dites, il y a un cas notamment d'un boulanger qui critique Pétain, qui l'insulte, mais il est dans sa cuisine, le parquet dit, on ne peut pas poursuivre, c'est une conversation privée, il n'y a pas justement de délit d'offense. Donc, c'est une différence avec le régime totalitaire, il y a le maintien de cette distinction entre vie privée et vie publique, même sous le régime de Vichy. Il est d'ailleurs juste de dire que dans ce système où beaucoup de magistrats ont été serviles, on le sait, d'autres ont su résister. Il n'y a pas de raison de mettre cela, en s'appuyant en particulier sur l'argument de la publicité absente. Oui, j'ai consacré un chapitre justement à ce que j'ai appelé la résistance oblique des magistrats, puisque j'ai trouvé des jugements ou des arrêts où j'ai pu, à travers la comparaison des faits et du rapport du procureur, et la comparaison avec le jugement, montrer que des juges du tribunal correctionnel avaient refusé de sanctionner en invoquant notamment l'absence de publicité, en disant voilà, la condition de publicité n'est pas remplie, alors que dans d'autres cas, d'autres personnes ont été condamnées par d'autres juges pour des faits équivalents, cette fois-ci les juges ou les parquets ne levant pas cette objection de la publicité. Donc on a eu deux types d'attitudes des magistrats, et j'ai à cette occasion pu constater notamment que certains magistrats du parquet, on pense forcément toujours à la répression, étaient au contraire libéraux et qu'ils avaient décidé de ne pas poursuivre en invoquant tout simplement le droit. Ils ont fait du droit. Donc, sous Vichy, il y a eu des cas, et je pense l'avoir démontré, où les magistrats ont résisté, entre guillemets, en appliquant tout simplement le droit strictement. Ce qui rend d'ailleurs les préfets les préfets furieux. Vous avez beaucoup fréquenté les archives, ce qui donne du suc à votre propos, et on voit que l'indignation se manifeste également assez servile en direction du ministre pour dire c'est affreux, il y a un magistrat qui n'a pas condamné. Oui, ça c'est Joseph Barthélémy le dit dans ses mémoires. Joseph Barthélémy, c'était un ancien député radical devenu garde des Sceaux de Vichy. Et professeur de droit public et de droit constitutionnel, grand professeur qui s'est fourvoyé sous Vichy, qui a écrit des mémoires. Un de vos collègues en somme, Olivier Beau. Ben oui, je suis obligé de le reconnaître. Tout le monde lit ou a lu Joseph Barthélémy, mais tout le monde n'a pas fini ministre de la Justice. Et Barthélémy le dit, c'est-à-dire, il dit « je suis le garant du droit, parce que si la justice n'est pas là, c'est le préfet qui va interpeller les offenses ». Et c'est arrivé souvent, des gens relaxés par le tribunal étaient saisis ensuite par la police, étaient mis en, avaient subi un internement administratif. Oui, c'est un cas topique. Le garde des Sceaux, dans ses mémoires, Joseph Barthélémy, expliquera que c'était affreux, mais que s'il n'avait pas été là, ça aurait été pire encore. Il va voir Jean Zay dans sa cellule, et parce qu'il passe dans la prison, il ne peut pas ne pas aller voir cet ancien collègue. Il va le voir, il parle tout le temps, il s'assied sur le bas-flanc, et puis part en disant « Ah, vraiment, c'est affreux, mais j'empêche quand même le pire ». Et Jean Zay, qui est en prison depuis des mois, l'accompagne à la porte et lui dit « Allez Barthélémy, courage !» Oui, il avait succédé à Alibert, donc au bout de cette manière, c'était mieux que Raphaël Alibert. Éternelle question, faut-il être dans le bateau avec l'espoir, parfois dérisoire, de pouvoir en modifier la course. Arrivons, si vous voulez bien, à la 4e République, Olivier Beau. Et là, on voit la personnalité de Vincent Auriol, qu'on connaît bien à cause de la publication par Pierre Nora et par d'autres, des 7 volumes de ses mémoires. On voit Vincent Auriol marquer une inflexion qui est digne d'intérêt. Oui, parce que Vincent Auriol va poursuivre plusieurs journaux. On savait qu'il avait fait poursuivre par le parquet des journaux d'extrême droite. Donc ça peut aussi intéresser la littérature, puisque le désormais fameux Antoine Blondin a été poursuivi, le jeune Antoine Blondin était d'extrême droite, et il a été poursuivi par le parquet, et il a été relaxé alors que son acolyte Guernec a été condamné. Auriol ne va pas seulement poursuivre les journaux d'extrême droite, il va faire poursuivre des journaux communistes. Et ça, c'est le cas intéressant que j'ai trouvé dans les archives nationales. Il y a eu un épisode à Toulouse où deux journaux locaux communistes, Le Patriote du Sud-Ouest et L'Écho de la Garonne, vont attaquer virulemment Auriol au moment de la grande campagne pour la libération de Henri Martin. Le marin Henri Martin. Et donc Henri Martin, qui était un communiste, qui avait symbolisé le refus des communistes de participer à la guerre d'Indochine. Exactement, en pleine guerre froide. Et le Parti communiste entame une campagne très violente contre Vincent Auriol alors qu'il est en vacances au Muret, à côté de Toulouse, en disant « Vous avez gracié des traîtres ». Alors on cite Maurras, vous avez gracié des criminels nazis, on cite le général de Brest, Ramke, et Auriol donc subit cet afflux d'articles extrêmement violents. Pendant longtemps, il décide de ne pas faire poursuivre, et au bout de trois semaines, il en a assez, et il décide de faire poursuivre ses journaux, qui seront condamnés par le tribunal de correctionnel de Toulouse en 1953, d'ailleurs au terme d'une jurisprudence, les jugements, une jurisprudence extrêmement libérale, où il y a une définition restrictive de l'offense qui est donnée par les juges correctionnels de Toulouse. Mais le régime d'après la Libération n'a pas modifié ce qu'avait décidé Vichy, c'est-à-dire de maintenir la responsabilité du tribunal correctionnel aux dépens de la cour d'assises. Ça, c'est un grand mystère. J'ai pas réussi à trouver aux archives nationales la raison pour laquelle le général de Gaulle, dans une ordonnance de 1944, a maintenu la compétence des tribunaux correctionnels. Et un grand juge, qui sera Maurice Patin, a écrit, qui sera président de la chambre criminelle de la cour de cassation sous de Gaulle, a écrit un article sous la 4e disant que c'était une grave erreur car les magistrats n'aimaient pas juger les politiques. Vous évoquiez Antoine Blondin, on peut le citer pour donner une idée de la nature de l'offense, c'est notre sujet, l'offense au chef de l'État. Dans un journal d'extrême droite, La Dernière Lanterne, il donne ce portrait du président Auriol. « Sans me faire d'illusions sur ce qu'on peut attendre de vous, je n'évoque pas ici l'aventure du pouvoir personnel. De pouvoir, vous n'en avez aucun, et quant au personnel, vous en faites partie depuis si longtemps que vos airs de Bouddha renfrogné ne faisaient pas oublier le temps proche encore où vous torchiez les bidets du palais Bourbon. » Ça continue avec la même veine. Oui, alors de façon intéressante, les juges, le tribunal correctionnel et ensuite la cour d'appel vont relaxer Antoine Blondin. J'ai jamais réussi à obtenir l'arrêt de la cour de cassation, mais en estimant que c'était de l'irrévérence, de la moquerie, mais que ce n'était pas offensant. Donc il y avait ici une sorte de casuistique assez fine, puisque le juge estime qu'ici la liberté doit prévaloir et que donc Antoine Blondin a eu la chance d'échapper à la condamnation parce qu'on a considéré qu'il ne dépassait pas les bornes donc fixées par la loi. Alors il y a un tournant très clair avec la période des années de Gaulle, la Ve République, où de nouveau, vous le montrez bien, en vous posant des questions sur l'équilibre, et en n'étant pas péremptoire dans la condamnation. Vous observez que la guerre d'Algérie aidant, la brutalité, l'affrontement qu'on rejoue au fond entre Vichy et la résistance, aboutit à ce que De Gaulle soit sévère et que on constate qu'il y a entre 100 et 150 procès, c'est beaucoup, presque exclusivement dirigés vers l'extrême droite. Tout ça, il faut que vous nous l'expliquiez. Alors, il y a effectivement, ce sont surtout des procès envers les écrivains, les journalistes. C'est pas du tout la parole publique, c'est très marginal. Donc c'est encore plus important puisque c'est la presse. Et à travers les archives présidentielles, j'ai pu constater que c'était uniquement la presse d'extrême droite qui était poursuivie. Pour une raison très simple, c'est que la presse d'extrême droite est hostile à la politique algérienne menée par le général de Gaulle et qu'elle se lance dans une campagne de presse féroce contre le chef de l'État. Comme on le sait, l'extrême droite a voulu tuer le général de Gaulle. Il y a une violence physique, il y a aussi une violence verbale. Et la grande différence avec Auriol, la 4e République, c'est que le général de Gaulle va faire systématiquement poursuivre les opposants d'extrême droite qui s'expriment dans les feuilles ou dans les journaux d'extrême droite, Rivarol étant l'hebdomadaire le plus poursuivi sous l'époque de Gaulle. Vous donnez d'ailleurs vous-même, Olivier Beau, en annexe de votre livre, une sorte d'anthologie des caricatures d'extrême droite, Pinatel, Ben et d'autres, qui sont d'une violence et d'une vulgarité, on peut le dire, scatologique, on y revient, qui laisse parfois pantois. Alors c'est effectivement que j'ai consacré un chapitre à l'humour d'extrême droite, c'est-à-dire aux caricaturistes et aux dessinateurs. Et évidemment, la seule façon de pouvoir illustrer ce chapitre, c'était de faire accompagner le commentaire des jugements ou arrêts condamnant cette presse et ces dessinateurs par les dessins. Donc les dessins viennent illustrer effectivement le propos et les magistrats vont estimer que l'humour n'est pas une excuse. Et je commence ce chapitre avec une comparaison avec le procès qui a eu lieu à propos de Charlie Hebdo et des caricatures de Mahomet. Il y a des événements qui marquent évidemment particulièrement. Je pense au livre de Jacques Laurent, qui est un autre hussard, comme l'était Blondin que vous citiez tout à l'heure, un autre défenseur de Vichy, très très brillant, et qui publie, après que Mauriac a lui-même donné un livre favorable au général, il publie un livre qui s'appelle Mauriac sous De Gaulle, qui est d'une grande violence. Le procès fait date. En 65, oui, en octobre. C'est le grand moment des offenses, si on peut dire, parce que c'est la scène politico-littéraire qui se déplace au tribunal correctionnel devant la 17e chambre, et Laurent obtient un appui, un soutien très très large, puisque des hommes politiques viennent aussi le défendre. François Mitterrand n'est pas venu, mais il a envoyé une lettre, il y a eu Marcy Lassy, il y a eu Xavier Villancourt, donc ça a été et tous les hommes de lettres vont aussi le soutenir au nom du principe qu'en France, on n'emprisonne pas Voltaire ni Sartre, et il va essayer justement de défendre le privilège de l'écrivain, une sorte d'irresponsabilité qui consiste à dire tout ce qu'il veut, et le tribunal va sèchement le contrer en disant que, comme toute liberté, la liberté d'expression a ses limites et que, en l'espèce, Monsieur Jacques Laurent a dépassé ses limites. C'est un livre que j'ai lu et relu, qui est très méchant, qui est très injuste à l'égard du général de Gaulle. Et on peut comprendre, d'une certaine manière, la condamnation si on lit le livre correctement. La défense de Laurent est brillante, mais le propos est d'une férocité incroyable. Il y a un autre cas qui est notoire, c'est celui d'Alfred Fabrelus, un essayiste très brillant et très hostile également à De Gaulle. Il publie un livre qui s'appelle Haute Cour. Oui, il publie ce livre qui est un livre effectivement brillant, très vicieux d'une certaine manière, parce qu'il prétend montrer, exposer la politique gaullienne de façon soi-disant objective, avec un avocat, etc. Mais en réalité, c'est un procès à charge qui est d'une virulence incroyable et qui va amener donc le pouvoir à saisir, effectivement, c'est un cas très particulier, à saisir cet ouvrage et ensuite à faire condamner Fabrelus à partir justement non seulement du ton offensant, mais des propos extrêmement offensants qu'il met dans la bouche des protagonistes. La loi permet de saisir un journal même après la fin de la guerre d'Algérie. Dans ce cas précis, la saisie a été considérée comme illégale, donc on peut saisir, mais dans le cas précis, c'était illégal. Ce qui, par contre, était tout à fait possible, c'était de poursuivre pour offense. Et on a poursuivi Fabrelus pour offense, et je crois que c'est un des anti-gaullistes les plus méchants qui existait sous la Ve République, et ça s'explique par son pétinisme qui était aussi affiché. Donc ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que on revit sous la guerre d'Algérie le conflit Vichy-Londres, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure, et on le voit apparaître à travers ces procès, des choses que j'ignorais et qui m'a beaucoup intéressé. Un des signes de cela, c'est que, comme vous le disiez, De Gaulle n'attaque pratiquement pas la gauche et l'extrême gauche au nom du principe que on n'emprisonne pas Voltaire. Et Voltaire, en l'occurrence, c'est Sartre. Il y a une exception, qui est le procès du journaliste François Fonvielle-Alquier, qui a écrit un très beau pamphlet qui s'appelle « Réapprendre l'irrespect », dirigé par Monsieur Tesson, Philippe Tesson. Et j'ai l'impression que c'était plutôt Monsieur Tesson qui était visé plutôt que Monsieur Fonvielle-Alquier. Mais en tout cas, il y a eu un procès et cet homme de gauche, qui était journaliste, a été condamné. C'était un journaliste de franc-tireur qui a aussi écrit sur la 4e République. Exactement. Alors une dernière archive sonore, pour montrer que, là encore, les chansonniers sont amenés, y compris d'extrême droite, comme Pierre-Jean Vaillard, sont amenés à se réfugier dans des propos ironiques, mais relativement contrôlés. Et écoutez la manière dont il s'exprime au théâtre des Deux Ânes en 1964, Pierre-Jean Vaillard. Je voudrais vous faire noter un détail, et vous l'avez noté certainement, c'est que je parle et je noie le poisson, car je ne vous parle que très modérément de politique. Et il y a une raison valable à cela, voyez, c'est que deux raisons. C'est qu'il y a deux ans, d'abord, j'ai eu suffisamment d'emmerdement pour apprendre à me mettre en veilleuse. Et la deuxième raison, c'est qu'en ce moment, entre l'Élysée et moi, il y a un malaise. Il me ferait plutôt la gueule en ce moment. Le guide. Voyez, en ce qui concerne le voyage en Amérique du Sud, sur lequel maintenant, mon Dieu, c'est terminé, nous avons égrené toutes les plaisanteries possibles, alors je ne me permets plus aucun commentaire personnel. Dieu m'en garde. Sans ça, vous pensez bien que je ne serais pas là. Je serais à Tulle, s'il y avait de la place. Non. Je ne fais que vous remettre en mémoire des détails. Seulement, c'est tout de même assez marquant. Souvenez-vous bien, allez, quand notre président est allé en Amérique, je parle du premier voyage, exactement deux jours après son départ, Eisenhower avait eu un infarctus du myocarde. Bien. Il est allé en Angleterre pendant son séjour là-bas, vous vous en souvenez encore, la reine a eu une angine. Il est allé en Allemagne, après son départ, il a fallu qu'Adenauer aille se reposer en Italie pendant un mois. Il est allé en Grèce, il était revenu depuis 11 jours, le roi est mort là-bas. Il est allé au Mexique, il était ici depuis 2 semaines, le président Mateos a eu une dépression nerveuse. Écoutez. Moi, s'il vient à la maison, j'envoie le petit à la campagne. Vaillard, il faut le rappeler, collaborait régulièrement à Minute. Il faut rappeler aussi que Tulle, c'est une allusion à la prison où sont enfermés les généraux putschistes d'avril 1961. Vous réagissez comment à cette archive ? Oui, c'est très drôle, mais on voit très bien que c'est une littérature typique de l'extrême droite, puisqu'il parle du guide, traduction française du Führer, et donc l'extrême droite, dans tous leurs écrits, dans tous les journaux, vous avez à chaque fois l'expression « le guide » pour se moquer du général de Gaulle. Alors, suite de l'histoire, sous Pompidou et sous Giscard, recul très rapide de tous les procès qui ont pu être faits par le chef de l'État. Sauf dans le cas de Pompidou, quand il refuse que son image soit utilisée au profit d'une réclame, d'une publicité, d'un moteur de bateau. Oui, alors Pompidou a fait poursuivre 3 personnes pour offense, dont Cabu, qui s'était moqué de la femme de Pompidou dans un album qui s'appelait l'album de la comtesse. Il faut dire qu'à juste titre, Pompidou était particulièrement sensible aux attaques faites contre Madame Pompidou après l'infamie des rumeurs qui avaient été lancées contre lui par une officine. Oui, ça s'explique pour cela. Ensuite, Giscard d'Estaing décide de ne pas appliquer le délit. On ne supprime pas le délit, mais il décide de ne pas l'appliquer. Et il se fera insulter le lendemain par le journal Libération qui fera une liste de plus de 100 insultes. Et la même chose vaudra pour François Mitterrand et pour Jacques Chirac. Oui, Libération s'amuse, il dit voilà tout ce que je peux dire désormais. Exactement. Et le délit sera réutilisé une seule fois, on l'a évoqué au début d'émission, par donc à l'époque de M. Sarkozy en 2008. C'est l'affaire pour Casse-toi pauvre con qui va provoquer ce procès et la suppression du délit d'offense en 2013. Sarkozy, c'est lui qui passe assez largement du pénal au civil, non ? Voilà. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'on peut dire, ben voilà, il n'y a plus de délit d'offense, donc c'est très bien, c'est libéral, on peut contester comme on veut, attaquer comme on veut le chef de l'État, mais c'est pas du tout comme ça que les choses se passent, puisque les présidents ont recouru au droit civil, notamment le droit à l'image, à la vie privée, pour contester ceux qui éventuellement utilisaient l'image ou des journaux pour les critiquer, et notamment ça s'est passé pour Nicolas Sarkozy qui a utilisé ça à propos de ce qu'on appelle l'affaire des poupées vaudou, c'est-à-dire c'était un coffret de jeu où il y avait le portrait de Monsieur Sarkozy et on mettait des fléchettes, des aiguilles, et donc ça a été une affaire judiciaire. Monsieur Sarkozy à ce moment-là a porté plainte. Donc la grande différence, c'est que en droit civil, ce n'est plus le parquet. Donc le président est désormais acteur. Il est acteur parce que c'est lui qui porte plainte. Enfin, il porte plainte puisqu'il fait un recours. Donc il agit en justice. Alors que dans l'offense, c'est pas lui qui agit en justice, c'est le parquet. Parce qu'on défend la République. On défend pas un homme, on défend la République. Et là, on passe à un autre système qui est le président citoyen qui va contester au nom notamment de la défense de sa vie privée et de son image les attaques dont il fait l'objet. Je pense pas que ce soit un progrès. Et alors où cela nous amène-t-il avec la présidence d'Emmanuel Macron ? J'évoquais la violence des injures qui ont été adressées en sa direction, différentes occurrences récemment. Eh bien, aujourd'hui, en droit, il n'y a plus d'offense, mais il y a la possibilité pour le président d'utiliser les deux délits qui sont prévus également pour les ministres. Donc, il y a une sorte de rabaissement du statut présidentiel. Alors qu'on les avait distingués en 1881. Maintenant, il peut simplement attaquer pour diffamation publique et injure publique. Il semble que, pour l'instant, il n'y a eu aucun procès. Le parquet a fait des rappels à la loi. Pour autant que je sache, parce que je ne suis pas certain d'avoir suivi toute l'actualité et connaître toute l'actualité des procès depuis les Gilets jaunes, mais pour l'instant, il n'y a pas eu un seul procès pour diffamation et injure publique, alors qu'il y a énormément matière à procès si on suit l'actualité. Merci beaucoup. Le livre sur lequel j'ai fondé notre conversation et qui vient de sortir aux presses universitaires de France, s'intitule « La République injuriée, histoire des offenses au chef de l'État, de la 3e à la 5e République ». Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier l'équipe des presses universitaires de France qui a édité ce livre à la perfection. Eh bien, ce message est évidemment transmis grâce à la voix des ondes. Je voudrais également évoquer, Olivier Beau, un autre de vos livres qui m'a paru important, « Liberté universitaire à l'abandon, point d'interrogation ». Liberté au pluriel, pour une reconnaissance pleine et entière de la liberté académique. C'est un livre qui est paru chez Dalloz en 2010. Vous êtes un de ceux qui défendent avec force l'âme et l'esprit et l'ambition des universités. J'essaye. Et puis je citerai aussi le livre de Jean Garrigue qui s'appelle « La République incarnée » de Léon Gambetta à Emmanuel Macron, paru chez Perrin en 2019. Vous trouverez une bibliographie plus complète sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez également écouter, réécouter et podcaster cette émission, dans la sérénité bien sûr. Samedi prochain, nous reviendrons à l'Angleterre. J'ai pensé qu'il serait intéressant de rappeler la période historique bien définie où l'Angleterre a progressivement décidé d'entrer dans l'Europe, entre 1957 et 1979. Et pour cela, je recevrai Robert Franck. Je signale aussi que, à partir de lundi prochain, dans la semaine qui vient, Xavier Mauduit, dans son émission Le cours de l'histoire, nous parlera de la question suivante, vieillir, virgule, mais comment ? Ce sera une histoire sociale de la vieillesse. « C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet préparée avec le précieux concours de Domiti de Gavrilov et aussi de Claire Poinsignon, réalisée par Yaël Mandelbaum, comme chaque samedi, avec à la prise de son Souad Boukorsa, la discothèque Nathalie Rouvillain, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Véronique de Saint-Pastou. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.